tout fait problème. Le temps qu'il fait, les gens qu'on aime, l'heure qu'il est, à quoi ça mène. Tout fait problème de s'habiller, à s'endormir, de se nourrir, à quoi ça mène. Faire bien les choses à en crever, tout fait problème, les ascenseurs, les retombées, les projecteurs. Tout fait problème, les décollages, la mise à pied. À quoi ça sert de s'escrimer? Faire bien les choses à en crever, tout fait problème, trouver du temps pour s'évader dans un espace d'intimité. Tout fait problème, les jours de fête, les jours fériés, le savoir vivre sur l'oreiller. Faire bien les choses.